Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. C'est ce lundi qu'a débuté l'année scolaire 2018-2019. Nous parlerons un peu longuement de la situation dans ce journal, notamment des directeurs d'école en zone urbaine de Kanyosha et Moussaga, où certains directeurs d'école ne savent pas encore exactement les effectifs d'élèves qu'ils vont accueillir. En province de Muyinga au nord, l'obtention de places de redoublement est devenue casse-tête au poste fondamental suite au taux d'échec élevé l'année dernière. Et à Gitega, certains directeurs des écoles privées reprochent à l'inspecteur provincial de l'enseignement fondamental et poste fondamental de placer injustement leurs écoles dans des catégories inférieures. Dans ce journal également, le ministère de l'Intérieur appelle les politiciens à ne pas se lancer des discours de haine en période électorale. C'est par ailleurs punissable par la loi, dira le porte-parole du ministère. Et puis, au sport, la formation de football Moussongati de Gitega est provisoirement classée première au championnat national de football en première division. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'année scolaire 2018-2019 a débuté ce lundi 10 septembre et en province de Muyinga, on parle de problèmes liés à des places de redoublement au poste fondamental qui sont devenues casse-tête. Le taux d'échec pour l'année scolaire écoulée avoisine en effet les 35%. Dieudonné Zeyman. Aux établissements d'enseignement secondaire en ville de Muyinga, des élèves ont afflué pour démarrer l'année scolaire 2018-2019. La présence des parents en nombre important est aussi une réalité à certains établissements. Ils sont à la recherche des places de redoublement de leurs enfants. L'an dernier, un grand nombre d'élèves, surtout de la première année du poste fondamental, ont échoué. Pour les directeurs, les élèves prioritaires sont ceux qui viennent d'être orientés après avoir réussi au concours national. Les redoublants sont invités à patienter. Des enseignants indiquent que c'est la suite logique du taux d'échec en première année post-fondamentale. Des élèves passent la 9e à la première année et ont du mal à s'adapter au nouveau programme. Sur un total de 12 036 élèves du poste fondamental l'an dernier, 1221 ont abandonné l'école et seulement 65,7% ont pu avancer de classe. Vous saurez que ce problème de place de redoublement se pose aussi pour ceux qui n'ont pas pu réussir au concours national de la 9e. Ici, la direction de l'enseignement à Muyinga précise que les directeurs accordent des places en fonction des capacités d'accueil et que pour le reste de ces deux années, le gouvernement a créé des centres pour la formation en métiers divers. De Muyinga, Dieudonné Zeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Certains directeurs des écoles privées de Gitega reprochent à l'inspecteur provincial de l'enseignement fondamental et poste fondamental de placer injustement leurs écoles dans des catégories inférieures. Ils réclament une mission du ministère de tutelle pour bien analyser leur cas. L'inspecteur provincial affirme que les écoles concernées sont dans des catégories qu'elles méritent. Gérard Niwigila. Hatungimana Jamari, représentant légal de l'école Nouvelle Horizon de Gitega, reproche à l'inspecteur provincial de l'enseignement fondamental et post-fondamental à Gitega, M. Nyunguru Renova, d'avoir classé injustement son école dans la catégorie C au moment où son école remplit toutes les conditions d'être classée dans la catégorie B. Même son de cloche pour M. Nivaye Mere Joseph, directeur du lycée technique New Generation, qui accuse cet inspecteur de classer son école dans la catégorie D, alors que l'école en question mérite d'être classée dans la catégorie C. Ainsi donc, lorsque une école est classée dans la catégorie éloignée par rapport à l'alphabet français, le minerval exigé aux élèves diminue en conséquence. Les responsables de ces deux écoles privées reprochent également à l'inspecteur Nyunguru Renova de ne pas leur montrer la grille d'évaluation pour la catégorisation des écoles et la fixation des frais scolaires payables dans chaque école privée imprimée par l'inspection générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental pour qu'il la complète et la signe. Il réclame alors une commission du ministère de tutelle pour analyser de leur cas. De son côté, l'inspecteur provincial à Gitega, Nyunguru Renova, indique que la catégorisation de ces écoles a respecté la loi et que d'ailleurs une commission ad hoc a visité ces écoles avant la prise de décision. Il précise également que la catégorie attribuée à chaque école est consécutive à l'état réel de l'école. Depuis Gitega, Jean Vigila pour la radio Isanganiro. Au moment où l'association Arche des enfants vulnérables, Sangwe Kibondo, a donné ce dimanche le matériel scolaire à 26 enfants orphelins dans la commune de Gitega, certains tuteurs d'orphelins qui n'ont pas reçu ce don demandent que tous les orphelins puissent bénéficier de cette aide. Cette association indique que les enfants qui ont reçu ce don sont orphelins de tous les parents. Arthur Kavaouche. Ces enfants assistés, qui sont au nombre de 26, ont reçu chacun des cahiers, des stylos, des chaussures et des imperméables. Ce matériel est pour toute l'année scolaire et ils n'auront pas besoin d'aller acheter autre chose au marché. Selon le représentant légal de l'association Arche des enfants vulnérables, Sangwe Kibondo, Barutwana et Jonathan, ces enfants sont ici des différentes collines de la commune de Gitega. Cependant, les parents tuteurs d'enfants orphelins qui ne sont pas parmi ceux qui ont bénéficié de cette aide disent que ceux qui ont eu ce don sont peu nombreux à comparer le nombre d'enfants orphelins de la commune de Gitega. Ces parents demandent qu'aussi ils puissent recevoir cette aide pour les enfants dont ils sont tuteurs, car ils sont dans une pauvreté extrême pour avoir le matériel pour leurs propres enfants et pour les orphelins qu'ils hébergent. Pour eux, si on ne le fait pas comme ça, beaucoup d'orphelins n'iront pas à l'école cette année scolaire qui a débuté ce lundi. Ce représentant légal indique qu'ils ont pris comme critère les orphelins de père et de mère, tout en soulignant qu'ils sont au courant que les orphelins sont de plusieurs catégories et qu'ils vont y travailler dans leur projet de 3 ans à venir. Cette association Arche des enfants vulnérables, Sangwe Kibondo, va assister ces 26 enfants à l'école, dans l'alimentation et dans la santé. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Certaines écoles continuent à faire payer les frais d'inscription malgré l'interdiction du ministère de l'Éducation nationale. À l'école fondamentale La Clairière du Burundi, le directeur fait savoir que ces frais ne seront pas remis. Les frais qui ont été payés ne seront pas remis, mais seront comptabilisés dans le Minerval. Théon Tuisenge ajoute que la rentrée scolaire 2018-2019 a bien commencé, sauf qu'il y a des cas légers d'absence qui ont été observés. Suivez-le au micro de Richard Kugarugira. À l'école La Clairière du Burundi, nous avons commencé comme les autres l'année scolaire 2018-2019 et les enfants ont répondu massivement. Les parents étaient là et ils ont accompagné leurs enfants. Les enfants étaient bien accueillis, les classes étaient déjà apprêtées. Là où vous nous trouvez, on a maternelle jusqu'en 5e et ceux de la 6e, 7e et 8e sont dans l'annexe de l'autre côté. Jusqu'à présent, les enfants sont bien assis confortablement. D'ailleurs, nous attendons certains parents qui n'ont pas pu amener les enfants aujourd'hui. Ils nous ont dit les raisons qui les ont poussés à ne pas amener des enfants aujourd'hui. Certains n'étaient pas bien préparés. Nous les attendons demain. Pour les enfants de la 6e, et nous les attendons aussi en 7e année, sinon la plupart sont déjà là pour continuer avec le fondamental. Bon, pour inscrire les nouveaux lauréats, d'abord pour ceux du premier jusqu'au 3e cycle, nous exigeons seulement le bulletin avec une attestation d'honneur de viabilité. Et puis, auparavant, nous exigions aussi les frais d'inscription de 50 000 francs. Mais cette année, comme nous avons reçu une ordonnance ministérielle qui nous propose de ne plus accueillir les frais d'inscription, nous allons verser ce montant qui était auparavant destiné à l'inscription, nous allons le verser au Minerval qui va compter pour l'année scolaire. Pour ceux qui sont d'abord en 7e et qui étaient en 6e dans notre école, ils entrent automatiquement sans aucun dossier parce que nous les connaissons déjà. C'est-à-dire les enfants qui étaient en 6e entrent automatiquement en 7e. Mais ceux qui viennent ailleurs, ils nous amènent les bulletins d'ailleurs, c'est une non-redevabilité, mais aussi avec ces frais que nous appelions avant frais d'inscription, mais aujourd'hui que nous allons reverser au niveau du Minerval. La radio Isanganiro s'est également rendue au lycée municipal de Gasenyi au nord de la capitale, mais la directrice de l'école estime qu'il est encore tôt pour faire des commentaires. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, se réjouit du fait que les effectifs des abandons scolaires au cours de l'année scolaire passée ont diminué. Dans un communiqué ce lundi, à l'occasion de la rentrée scolaire, Jacques Nshimilimana, président de cette organisation, précise que plus de 171 000 cas d'abandon ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2017-2018 contre plus de 218 000 cas pour 2016-2017. Suivez-le au téléphone avec Gertrude Maounaï. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons pu constater plus de 171 652 cas d'abandon scolaire et 1421 cas de grossesse non désirée. Et là, comparativement aux effectifs de l'année passée, donc c'est-à-dire l'année scolaire 2016-2017, il y a eu une petite dégression par rapport aux effectifs de l'année scolaire 2016-2017. Parce que là, on avait 218 345 cas d'abandon scolaire. Et pour cette année passée, on a pu recenser 171 652 cas. Et au niveau de la FENADEB, nous sommes préoccupés par ce phénomène. Du fait qu'un seul enfant qui abandonne l'école, c'est une grande perte pour la nation, c'est une grande perte pour la famille. Nous avons également souligné des provinces qui ont vraiment marqué une avancée significative en termes de lutte contre le phénomène d'abandon scolaire. Et nous avons donné un exemple de la province de Bouvanza qui est passée de 24 909 cas à 6 876 cas. Donc cela prouve que les autorités de cette province ont collaboré étroitement pour que les effectifs d'abandon scolaire baissent. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévaut dans la province de Ruyigi. Donc une province qui quitte de 594 cas d'abandon scolaire à 10 838 cas. Donc cela, c'est vraiment normal. Parmi les causes que vous avez mentionnées dans le communiqué, il y a entre autres la pauvreté et les grossesses non désirées. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour que ces effectifs des abandons puissent diminuer au cours de l'année scolaire qui débute aujourd'hui? Ça demande la conjugaison des efforts de tous les intervenants, donc les organisations de la société civile, les élus du peuple, les députés, les sénateurs, les autorités administrative, sans oublier les parents, sans oublier les enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants. Donc, nous interpellons aussi le gouvernement à mettre sur pied des plans de développement familial, des plans de développement communautaire, donc qui puissent permettre aux familles de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Certaines écoles publiques et privées des zones Kanyosha et Moussaga au sud de la capitale Bujumbura n'ont pas encore connu les effectifs exacts des élèves qu'elles vont accueillir. Les directeurs d'école ou nos reporters ont pu passer expliquent que cela est dû au retard des orientations pour les élèves de la 9e année fondamentale. Ils craignent le risque de se retrouver avec des chiffres pléthoriques d'élèves. Elinibel Nibigira. Même si les élèves, de même que les enseignants, se sont présentés sur certaines écoles des zones Moussaga et Kanyosha de la commune Muha, les cours n'ont pas été dispensés. Au lycée de la convivialité de Kanyosha par exemple, il s'observe pas mal d'élèves, mais aussi des parents devant le bureau du directeur pour solliciter des places. Quand nous avons passé à cette école, le directeur nous a fait savoir qu'il était parti à la direction communale d'enseignement pour récupérer les listes des élèves. Mais selon les informations recueillies à cette école, les effectifs peuvent être exorbitants. Même à l'école fondamentale de Kanyosha 1, il s'observe un bon nombre de parents devant le bureau du directeur pour solliciter des places pour leurs enfants. Mais quand nous avons passé à cette école, le directeur, via son messager, nous a signifié qu'il ne pouvait pas nous accueillir, expliquant qu'il était en réunion. À l'école privée Seska de Kanyosha, les élèves et les enseignants étaient présents, mais pas de cours dispensés, comme l'affirme la directrice de cette école. Spécieuse Vutoyi, responsable de cet établissement, déplore néanmoins que les orientations des classes de 6e et 9e ont été sorties tardivement. Elle dit qu'elles sont disponibles depuis la fin de la semaine dernière. Il y a les élèves qui se sont présentés à l'école et même les professeurs se sont présentés. L'orientation des élèves de 9e a été la cause de son nombre de personnes qui se sont présentées aujourd'hui à la direction pour demander des places parce que l'orientation a été en retard. En zone Moussaga, c'est toujours les parents qui se trouvent devant les bureaux des directeurs pour solliciter les places. Certains directeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros et dont les écoles et noms sont gardés à l'anonymat disent craindre des effectifs pléthoriques après les orientations. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les tailleurs exerçant leur métier sur l'avenue de la mission au centre-ville de Bujumbura demandent à la mairie de les rétablir dans leurs droits. Ce lundi, ils se sont présentés au travail, mais restaient assis sans rien faire car leurs machines ont été saisies par la police depuis vendredi. Le commissaire de police municipale a indiqué qu'elles ont été saisies dans le souci de rendre la ville propre. Ces tailleurs disent rester devant les magasins pour que leurs clients puissent les retrouver. Processus Shingiro. C'est l'un des tailleurs qui exerce leurs activités quotidiennes devant le magasin d'habillement en face de l'agence de l'Interbanque. Il indique que leurs machines sont encore dans les mains de la police et demande à la mairie d'intervenir pour la reprise de leurs activités. Nous demandons à la mairie d'intervenir en notre faveur pour que nous puissions exercer notre travail, car nous aussi nous préoccupons du paiement de l'impôt qui nous est exigé. Pour cette femme, la perte est considérable sur le plan familial et du côté de leurs clients. La perte est énorme pour nous qui rendons service à la population, en l'occurrence les parents qui ont fait coudre les uniformes scolaires, car nous sommes au début de leur rentrée scolaire. Ils perdent le temps de récupérer leurs uniformes et de notre côté, nous perdons le temps, car le travail, c'est notre gagne-pain. Jusqu'à l'heure où nous sommes, nos enfants ne peuvent pas avoir du matériel scolaire, car les clients ne peuvent pas nous payer. C'est grâce au paiement des clients que nous recevons de l'argent. C'est une perte considérable. C'est au moment où les machines de ces tailleurs ont été saisies ce vendredi par la police. Le commissaire municipal de la police a indiqué que ces machines ont été saisies dans le souci de rendre la ville propre et que ces machines seront rendues après paiement d'une amende, tout en mettant en garde ces tailleurs de ne plus travailler devant ces magasins se trouvant à l'avenue de la mission. Merci, processus. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique appelle les politiciens à ne pas se lancer des discours de haine en période électorale. C'est en effet au moment où l'on tend vers les élections de 2020. Terence Ndahiraja, l'assistante du ministre et porte-parole du ministère, rappelle que ce genre de comportement est punissable. Il affirme par ailleurs que des discours de haine s'observent de tous les côtés, aussi bien à la mouvance qu'à l'opposition. Au sport, la formation de football Musongati de Gitega est provisoirement première du championnat national de football en première division. Elle a battu hier dimanche à domicile Messager Ngozi sur le score de 4-1. Les deux équipes de renom sont en train de surprendre les amateurs du ballon rond. Il s'agit de Messager Ngozi, actuellement 15e du championnat, et Vitalo qui est 16e et dernière du championnat. C'est au moment où ces équipes représenteront le Burundi dans différentes compétitions au niveau de l'Afrique. Et dans les éliminatoires de la CAN 2019, le week-end dernier, le Burundi est allé égaliser avec la sélection gabonaise 1-0 à Libreville. Évariste Nzikoanyang. À la 5e journée du championnat national de football en première division, deux équipes sur 16 en compétition ont pu remporter leur match tandis que les autres ont égalisé. Samedi, au stade de Muyinga, Olympic Star de cette province a été battu à domicile par Aigle Noir de Makamba, 1-0. Au stade de Prince de Gwagasore, à 14h, Bumamuru de Chibitoke a égalisé avec Flambeau du Centre, 1-0. À 16h, sur la même pelouse du stade de Prince de Gwagasore, Buja City a égalisé 1-0 avec Messager Bujumbura. À Ruyigi, Flambeau de l'Est a fait match nul sur le score Vierge de 0-0 avec Ngozi City. Et au stade Ivyizigiro de Rumonge, Vitalo a également fait 0-0 avec les Lières. Ce dimanche, trois rencontres étaient en lice. Au stade Prince de Gwagasore, à 14h, Rukinzo a égalisé avec Kayanza United 1-0. Ça a été le même score entre l'Idéalidique et Burundi Sport for Africa et Atletico Olympique à 16h. La formation Messager Ngozi a été battue à domicile 4-1 par Musongati de Gitega. À la 5e journée, c'est Musongati qui est leader du championnat pour avoir remporté les 5 matchs qu'il a déjà disputés. Les formations de Messager Ngozi et Vitalo, qui représenteront le Burundi aux prochaines éditions interafricaines, sont en train de surprendre plus d'un. Messager Ngozi, qui représentera le Burundi dans la compétition de la Ligue des Champions, est 15e avec 4 points, tandis que Vitalo, qui participera dans la Coupe de la Confédération, est 16e et dernière du championnat avec 4 points. Et les éliminatoires de la CAN 2019 étaient en deuxième journée le week-end dernier. Les Inhamba Murugamba sont allés faire samedi un match nul d'1-0 contre la Fédération gabonaise à Libreville. Dans le groupe C, c'est le Mali qui est premier avec 6 points sur 2 matchs déjà disputés. Le Burundi est 2e avec 4 points, le Gabon est 3e avec 1 point et le Soudan du Sud est 4e avec 0 point. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.